Voici votre bulletin régional. Le 6 août est la date limite pour remettre vos photos prises dans le cadre du concours « Les gens d'ici » pour le festival « Les pierres à chaud » qui se tiendra les 8 et 9 août à Dodwell. Les photos numériques sont envoyées à atcd@hsfqc.ca et les photos conventionnelles en format 4x6 fini glacé avec le négatif au 900 rue du Lac Dodwell. Les photos seront évaluées par la population lors du festival et deviendront la propriété de l'Association touristique et culturelle de Dodwell, qui pourrait les utiliser pour promouvoir différentes activités. Pour informations supplémentaires, Julie à l'ATCD au 819-560-8474 ou atcd@hsfqc.ca. À East Angus, c'est Bruno and the Gang qui se produiront le 6 août dans le cadre des concerts de la gare.